Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Du 11 au 13 août 2017 aura lieu la 16e classique de volleyball de plage Family Prix Jeanne Larouche au site touristique de la Chute à l'Ours à Normandin. En mon nom et celui de mon conseil de ville, j'invite toute la population et les gens de la région à venir en grand nombre encourager nos joueurs de volleyball dans une compétition des plus relevées. Félicitations aux organisateurs et aux joueurs pour ce grand événement sportif qui aura lieu à Normandin. Caouette, Thériault et Associés, concessionnaires des greffes de Marcel Leblanc, André Gendron et Daniel Fortin, profitent de l'occasion pour vous souhaiter un bel été. Que ce soit pour vos besoins en arpentage, cadastre, certificat de localisation ou autre, communiquez avec Caouette, Thériault et Associés au 418-276-2478. Caouette, Thériault et Associés, 1660 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini. Monsieur Henri-Paul Caouette souhaite la meilleure des chances à l'organisation de la classique de volleyball Jeanne Larouche Family Prix qui se tiendra en fin de semaine à la Chute à l'Ours de Normandin. Pendant la classique de volleyball Jeanne Larouche Family Prix de Normandin, votre magasin IGA Denis Cloutier de Normandin vous offre des spéciaux imbattable. Cette semaine, le café Maxwell House à 5,99$. Le melon d'eau à 3,99$. Le beurre de marque Compliment à 3,33$. IGA Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril Normandin, 418-274-2009. Toute notre équipe souhaite un franc succès aux équipes qui participent à la classique de volleyball Jeanne Larouche Family Prix à la Chute à l'Ours et remercie les organisateurs qui se donnent corps et âme pour en faire un événement majeur pour Normandin. À chaque bonne chose a une fin. Évidemment, on reprend l'antenne aujourd'hui après un superbe voyage de baseball aux États-Unis. Et comme premier invité pour ce retour, c'est David Lamontagne, le président du hockey mineur. Avant mon voyage, on avait annoncé une nouvelle que c'était maintenant officiel. Les Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Remparts de Québec, vont jouer un match concours le 25 août. Et les profits vont aller au hockey mineur de l'endroit. Est-ce que les billets se vendent bien? On sait qu'il y a une pré-vente qui est en cours actuellement. On en parle avec le hockey mineur, le président du hockey mineur, David Lamontagne. Salut, David. Salut, Danny. David, est-ce que les billets se vendent bien? Moi, j'ai entendu à travers les branches que ça allait super bien. Oui, il y a quand même un très bon engouement. Là. Puis même si le cours de vente va se faire demain soir... Puis secteur normandin, c'est à l'aréna. Puis présentement, oui, il y a quand même un bon engouement. Là, on vend quand même beaucoup de billets. Là. OK. Est-ce que c'est réalisable de penser que ça va être à guichet fermé? Et guichet fermé, ça veut dire 1000 personnes, un peu comme à Robertval l'an passé? Moi, je suis convaincu qu'on va vendre 1000 billets. Okay. Il y en a qui sont pas convaincus. Moi, je suis convaincu qu'on va vendre 1000 billets. OK, OK. Ouais. Donc, ça veut dire de préparer mon équipement. Parce que, vu... Ouais. Oui, à ta place, que je préparais mon équipement de gardien. OK, préparer mon équipement. Moi, j'avais dit 1500 personnes. Fait que j'avais dit... Non, de 800 à 1000. 1500, là, c'est, je pense que c'est un petit peu trop. Là. Je pense que nous autres, on a 1000 billets de fête. OK. Okay. On espère vendre tous nos billets. OK. Puis, c'est ça. Présentement, ça va bien. Puis demain soir, ben, j'invite les gens à se présenter le plus bonheur possible parce que... On va dire, comme on dit, ça part comme des petits pains chauds. Ouais. Présentement. Pourquoi pas les Cataractes de Shawinigan? Ah, ça, c'est pas nous autres qui choisissons l'adversaire des Saguenay. Là. OK. C'est déjà préétabli, je pense. Là. C'est OK. C'était comme ça, là, les Remparts. Ouais. OK. Est-ce, David. Je pense comme deuxième option, c'est quand même bon. Là. Les Remparts ont quand même une bonne rivalité avec les Saguenay. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, vous êtes arrivé. Oui. Est-ce que les négociations ont été longues? Est-ce que c'était difficile? Parce que, ou le fait que Robertval avait déjà réussi un succès monstre l'an passé, ben on pensait que ça n'a pas été difficile de convaincre les Saguenay. Non, il n'y a pas. J'ai même de ça. C'est pas M. Paul Morel qui avait fait l'approche au Saguenay. Non, il n'y a eu aucune difficulté. Puis l'entente, ça a été assez bien. Autrement dit, très bonne entente entre les deux parties. Là. OK. Pour être pour faire de l'argent et à tout le moins être break-even, ce qu'on appelle faire ses frais, comment ça prendrait de spectateur? Moi, je dirais environ. À 700, environ 700 spectateurs, 700-800, on ferait nos frais, là. OK, OK. Moi, je dirais peut-être 700. Ça fait que tous les autres billets, autrement dit, là, les autres billets sont payants. OK. Le 25 août, est-ce qu'il va y avoir d'autres activités, une séance d'autographe? Est-ce qu'il va y avoir un petit peu des... Les gens vont pouvoir parler aux joueurs? Comment ça va fonctionner? J'ai pas de renseignements là-dessus. OK. Peut-être la semaine prochaine, si on se parle encore, ouais. je t'en dirai plus. Mais non, jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de prévu là, pour une séance de signature. Mais peut-être, je sais pas si après le match c'est possible, là, mais ça, je pourrais t'en dire plus la semaine prochaine. OK. David, est-ce que vous avez eu l'assurance que des joueurs locaux, je parle entre autres de Awashish, qui est natif de Massouillach, qui joue pour. Qui a été repêché par les Seigneurs, Charles Tremblay, qui est de Saint-Félicien également. Est-ce que vous avez eu l'assurance que ces deux joueurs-là vont être en uniforme? On n'a pas l'assurance. On a l'espérance, mais on n'a pas l'assurance. Okay. D'après moi, je pense que les Saguenayens vont quand même. Je pense qu'ils vont faire le lien. Là, ils vont probablement les faire jouer. Là. Okay. On espère bien d'avoir une belle équipe sur la glace. Okay. Donc, pour les gens qui veulent en savoir davantage, la vente des billets, on rappelle demain que ça va avoir lieu entre 4 à 8 heures aux Halles du Bleuet. Ça, c'est tout près. C'est entre Dolbeau-Missassigny et également qui a ce Normandin, c'est ça? Exactement. Normandin, c'est à l'Arena puis au Hall du Bleuet de 4 à 8 heures. Présentez-vous de bonne heure parce qu'on ne sait pas comment ça va. On sait pas comment les billets vont partir. Ça fait que okay. Je dirais aux gens de ne pas prendre de chance. David, puisque je t'ai, la saison de hockey approche à très, très grands pas, comment ça va le recrutement des entraîneurs? Normalement, les Castors devraient revenir cette année. Est-ce que c'est officiel que les Castors reviennent dans le midget cette année? Oui, c'est officiel. Okay. C'est officiel. L'entraîneur est nommé, c'est Robin Bouliane. Ah, Robin Bouliane qui revient. Il est nommé depuis le printemps. Là. Okay. Depuis avril-mai, là, on avait déjà nommé notre entraîneur. Ça simplifie les choses pas mal pour le début du camp et tout. C'est pas mal plus simple que l'an passé. Là. OK. Donc, il y a plus de joueurs un petit peu aussi. On devrait avoir à peu près entre 40 et 45 joueurs. Ah, c'est très bon. Camp. Donc, c'est une année normale, autrement dit. Ouais. Là. Oui, oui. Okay. Ça pourrait être mieux. C'est sûr qu'on aimerait savoir plus de joueurs, mais en même temps, au niveau midget, on ne sait pas vraiment le nombre de joueurs. On va attendre les inscriptions. Mais on s'attend à peu près à ça, 40-45 joueurs. Donc, si on fait un petit calcul rapide, on se doute qu'il va y avoir une équipe des Castors cette année. OK. Niveau Bantam. Niveau Bantam, on a Sébastien Godette qui est nommé comme entraîneur-chef. OK. Puis Ouyato, moi aussi, c'est nommé. OK. Oui. Et au niveau Bajillon, ça ne vous touche pas aussi. Atome, ça va être qui, hein? Atome, c'était Michael Leclerc, le même que l'an passé. OK. Et au niveau Pioui? Niveau Pioui, Steve Wallet. Ah, Steve Wallet. Okay. Donc c'est déjà très rassurant, puis c'est fun déjà de partir, parce que c'est un maudit problème de trouver des entraîneurs. Ça a toujours été ça. L'année passée, les Castors, on se rappelle comment c'était. Donc déjà là, pour le hockey mineur, il y a un gros pas de fait, là. Exactement. C'est pour ça que c'est sûr que le mieux, c'est toujours d'avoir les entraîneurs, autrement dit, à la fin de la saison précédente, le plus tôt possible. Parce que quand on commence à courir après les entraîneurs au début de la saison, c'est plus compliqué. On l'a vu l'année passée, on a eu un bel exemple avec le midget. Mm. Puis même au niveau Pee-wee, ça fait que c'est sûr que c'est plaisant d'avoir des entraîneurs au début des camps, puis même au début de l'été. OK. OK. David, on se reparle. C'est sûr que le butin sport local n'est pas en onde encore. On revient en onde lundi officiellement tout complet. Donc, on va se parler quand même vendredi pour savoir comment ça a été du côté de la vente des Halles de Bleuet. Oui, puis juste pour dire aussi aux gens de surveiller les dates d'inscription. Ah oui, c'est vrai. On paraît sur notre site Internet puis sur les réseaux sociaux là, okay. Très prochainement. Là, ça devrait être le 17 et 18, 7-18 août. OK. La Rana de secteur Mistassini. Okay. Fait que surveillez ça s'en vient. Ça va venir très vite. David Lamontagne. On peut se reparler vendredi. Oui, il n'y a pas de problème. Je te donnerai un compte rendu des billets vendus. OK. David, un gros merci. Bon, on s'en repart. Merci beaucoup. Le président du hockey mineur, David Lamontagne.